BNF, donc dans cette salle des commissions pour cette troisième séance du séminaire vidéo des premiers temps. Cette séance continue le travail entamé sur les premiers collectifs. On va s'intéresser aujourd'hui aux quatre collectifs qui avaient été recensés dans un numéro de cinéma d'aujourd'hui sur le cinéma militant, donc Vidéo Aoud, Vidéo 00, Les Sans Fleurs et Vidéa. Et on remercie vivement les représentants de trois de ces collectifs, donc Anne-Marie Faure de Vidéa, Daniel Gégy et Jean-Paul Fargier, qui avait créé le collectif Les Sans Fleurs, et puis Yvonne Mignot-Lefebvre et Michel Lefebvre pour Vidéo 00. Une information générale pour commencer, le séminaire Vidéo des premiers temps va avoir un blog qui est créé techniquement, si j'ose dire, sur la plateforme hypothèse.org, c'est-à-dire des carnets de recherche qui sont gérés par le Cléo, ce centre pour l'édition électronique ouverte qui gère également le portail revue.org. Et donc on va s'appuyer sur hypothèse.org et sur le carnet de recherche qui s'appelle Early Video, enfin dans son URL est earlyvideo.hypothèse.org, on vous enverra le lien, pour à la fois diffuser les enregistrements des séances, des comptes rendus des séances, des liens, le programme des séances à venir, et puis ça s'enrichira progressivement. Mais on voudrait déjà rapidement constituer un premier noyau d'informations lié directement aux enregistrements et à la restitution et au programme des séances du séminaire. Voilà, peut-être je te passe la parole, Hélène. Bon, mais tu as donné les éléments principaux, donc on est évidemment ravis d'accueillir les invités que tu as cités. Je donnerai déjà peut-être deux éléments, enfin un élément essentiel de chronologie, c'est que Vidéo 00, mais vous le présenterez évidemment tout à l'heure, vous expliquerez l'histoire de votre groupe, a été créé en 1971, Les Sans Fleurs en 1973 et Vidéa en 1974. Je pense que c'est important d'avoir déjà un petit peu ces dates en tête. Ce sont vraiment parmi les tout premiers collectifs de vidéos militantes constitués en France. Voilà. D'où l'invitation à intervenir aujourd'hui. Je pense que le plus important, ça va être de vous écouter. Donc moi, je propose qu'on passe immédiatement la parole à nos invités. Je vous donnerai quand même déjà les principaux axes de travail qui vont être soumis aujourd'hui. Dans un premier temps, on avait envie de vous poser des questions autour de vos itinéraires professionnels, de vos engagements personnels et politique, ce qui vous a conduit à vous emparer de la vidéo avant même, évidemment, de travailler plus spécifiquement sur la structuration des collectifs, leur fonctionnement, vos terrains d'intervention, etc. Donc, je propose de peut-être vous passer tout de suite la parole à Yvonne Mignot-Lefebvre et Michel Lefebvre, et que vous nous expliquiez un petit peu voilà, quel a été votre parcours avant de vous emparer de la vidéo, à quel moment, pourquoi, quel était votre rapport au cinéma en amont. Vous venez en fait du 16 mm, vous étiez déjà professionnel dans ce domaine. Voilà, donc je vous laisse la parole. Sur la notion de professionnel. Voilà, absolument, qui fait débat, et absolument. Peut-être un petit mot, d'abord vous remercier de tout ce travail que vous avez fait. Hein, vous avez retrouvé certaines de nos bandes qui étaient effacées, qui étaient difficilement lisibles. Hein, et vous avez fait tout un travail, on les avait abandonnées en fait, et on en a perdu plusieurs, comme beaucoup de cinéastes, enfin de vidéastes à l'époque. Je pense qu'il y a eu une grosse perte parce qu'elles collaient, quoi. Chimiquement elles avaient disparu, mais avec des procédés un peu délicats, un peu techniques, il est possible de les reconstituer. Donc c'est le travail que vous avez fait. Si on avait su qu'en 71 qu'on aurait cette séance ce soir dans la BNF, franchement on aurait mieux préparé et mieux conservé, mais Et il faut dire qu'à l'époque, on était... Il y avait tout ce mouvement qui était contre le dépôt légal, qui était à l'époque une sorte de censure, a priori, des diffusions. Donc ça s'incruste dans une histoire. Quoi. Mais en tous les cas, on vous remercie hein, pour ce travail qui était... voilà, c'est pour nous un moment précieux. Voilà. Tu peux dire quelque chose? Oui. Alors, je commence sur la composition du groupe. Cinq personnes, dont deux couples qui s'étaient tous rencontrés en coopération en Algérie et qui ont participé financièrement à l'achat du matériel vidéo à Gary Belkin, qui était un vidéaste canadien. Par la suite, des amis nous ont rejoints sur la base d'un projet sur l'école, par exemple, dont l'école garde triage et l'école de Crolly. À l'époque, fait avec... Avec Monique et puis Anne, ils sont là, voilà. Hein, un collectif vidéo, c'est aussi une façon d'agréger les réflexions, les pensées, etc. Alors à l'époque, les terrains d'action ne manquaient pas. L'église de Ménilmontant, par exemple, hébergeait dans le clocher un groupe d'insoumis totaux, civils et militaires. Et dans la crypte des travailleurs tunisiens en grève de la faim pour obtenir les mêmes droits que les travailleurs français. Alors, tout ça à 100 mètres de chez nous. Tout près de chez nous. Le groupe est indépendant, autofinancé et détermine lui-même ses champs d'investigation. Et on peut dire qu'on était pour l'époque à la fois lanceur d'alerte et à la recherche de nouvelles solutions, notamment sur l'autogestion. Alors, quelques personnes nous posent le problème du nom. Pourquoi Vidéo 00? Est-ce que c'est de la modestie? Le point de départ était... Ou de la nullité. Le point de départ était une bande dessinée de GB du nom de l'an 01, qui est paru dans Harakiri Hebdo, où l'on devait, où le mot d'ordre était de tout arrêter et redéfinir pour préparer l'an 01. Tout le monde devait s'arrêter et réfléchir. D'où l'an 00, le groupe vidéo devait donc se préparer l'an 01 de par sa démarche d'enquête réflexive. Alors, ces enquêtes ont porté sur l'énergie, le refus du nucléaire, ce qui va donner Buget cobaye et Erdeven Flamanville, chronique de la lutte antinucléaire, en collaboration avec Annie Caro des Sans-Fleurs, l'élaboration de nouvelles technologies douces utilisant le soleil, le méthane, les fameux chauffe-eau solaires de Jussieu, Street Farm, les fermes dans la rue, et deux projets qui, en Angleterre et en Hollande, fonctionnaient entièrement aux énergies alternatives. Alors, j'ai déjà parlé d'une autre manière d'appréhender le rôle de l'école, d'autres relations aussi avec les travailleurs immigrés, et aussi enfants immigrés de Belleville, en collaboration... Avec Anne. Et progressivement, on vu surgir des projets plus longs, plus ambitieux et à plusieurs volets. Une élaboration différente de l'espace urbain, Alma Future, la production collective d'un quartier à Roubaix avec les habitants. Et c'est une série de trois bandes vidéo sur trois aspects différents et une réflexion sur la vie communale à travers la réflexion sur le partage du pouvoir entre élus et population dans commune le temps d'autogestion au moment des élections municipales de 1977. Ceci est notre scoop avec 1000 copies distribuées en France. Non, 1000 diffusions. 1000 diffusions, 1000 copies, si. Distribuées en France. Et il y a également une série sur les coopératives ouvrières de production. Une série de 3 bandes vidéo. Voilà, c'est l'essentiel du travail que nous avons fait pour préparer l'an 01, qui n'est pas toujours à l'ordre du jour. Et juste très rapidement sur le passage à la vidéo, est-ce que vous pouvez revenir sur votre expérience du 16 mm, autant en diffusion en ciné-club que le film que vous avez tourné en 16, oui, qui vous a conduit à passer à un autre support qui était la vidéo? Oui, alors on peut dire que dans les années 60, sont apparus sont développés les ciné-clubs grâce au 16 mm. Donc ça a formé un vaste réseau de diffusion de films qui étaient d'abord les chefs-d'œuvre bien sûr, mais aussi les films interdits, marginaux, etc. Comme J'ai 8 ans de Vautier, qui était interdit à la diffusion. Donc il y a eu une tradition comme ça de diffusion de films. Donc vous voyez, dans les années 60, puis après dans les années... Parallèlement à ça, il y a le cinéma direct qui s'est développé avec le cinéma canadien, et principalement. Et on peut dire que ça a été déjà là, ça a formé la base pour une diffusion du cinéma militant. Voilà, cinéma militant et cinéma sociologique. Alors, effectivement, personnellement, on s'est beaucoup investi dans les ciné-clubs. Et notamment, on a créé un ciné-club à Alger en 1965-67. On était en coopération. C'est là qu'on a noué des liens avec Monique et Guy Henbel, avec Anne et avec un certain nombre d'autres personnes qui s'intéressaient au cinéma direct, Donc ça a constitué la base, ça a vraiment été le noyau. Et effectivement, en 1970, on a fait un film en Inde, un des rares films qui existe sur un village indien. C'est un film à caractère sociologique et qui examinait les problèmes de la confrontation des paysans au travail en usine, etc. Ça s'est passé en Assam. Bref, c'est un film qui s'appelle Un Indien ordinaire, qui a reçu un prix prime qualité du CNC, qui nous a permis d'acheter le matériel vidéo à notre retour en France. Je fais vite, vous voyez, mais il y a cette base. Et là, vous faites donc le premier... Votre premier tournage, il est fait avec la caméra vidéo, il est fait suite à un événement, là, donc peut-être dont vous pouvez dire un mot avant qu'on lance justement le premier extrait, qu'on commence à voir cette matière là dont vous regardez. On rentre donc on est en train de monter ce film, Un Indien ordinaire, et... on achète le matériel vidéo à Belkin, enfin, peut-être qu'on pourra dire quelques mots tout à l'heure, qui est un cinéaste qui a été peut-être l'un des vidéastes les plus créateurs et voilà, qui était en avance, il était lui aussi québécois, donc on achète et puis canadien, oui, et puis on a le matériel et puis il y a un événement qui se passe tout près de chez nous. On habitait en banlieue à l'époque. C'est un attentat dans un local, et lors d'une réunion PSU. Alors, on aurait pu y être à cette soirée, parce qu'on était à l'époque au PSU, on aurait pu y être. On a filmé. Cet événement. Alors, ça s'est vite traduit par toutes sortes de manifestations et de discussions. Donc, pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler qu'on vivait dans une France assez violente à l'époque. Souvenez-vous, il y a eu la mort... Non, mais attendez, oui, une violence proche. Il y a eu la mort de Pierre Auvernet. Assassiné par un vigile de chez Renault, qui s'est traduit après par la mort 4 ans plus tard de Tramoni, si je me souviens bien. Hein, c'était le contremaître, enfin c'était le vigile, voilà. Et puis ensuite, en 86, la mort de Georges Besse, hein, qui était le directeur général de Renault, etc. Mais en même temps, l'un des acteurs nucléaires importants, vous voyez. Donc en fait, la violence était au cœur des débats politiques à l'époque. Et c'est quelque chose que on n'a plus trop l'équivalent actuellement. En fait, on a des débats sur la violence, mais d'un autre type. Mais à l'époque, voilà, c'était ça. Alors, cet événement a eu lieu. Beaucoup de responsables politiques sont venus. Il y avait aussi, à l'époque, et Rocard, par exemple, est venu. On le verra, on a fait une petite sélection. Et puis, toutes sortes de représentants. Et en fait, ça a été le débat sur la violence dans la politique. Hein. Est-ce qu'on devait être violent, hein. Il y avait les maoïstes, il y avait, voilà, il y avait des actions directes, etc. Bon, vous voyez, donc c'était un sujet débattu. Donc la bande a été réalisée un peu à la va-vite. On l'a montée chez Paul et Carole Rossopoulos. Puis voilà, elle a participé à un débat, voilà, hein, sur la violence. Voilà, donc on la revoit, ouais. On la voit pour la première fois depuis ces dates de camp. Alors on pensait qu'elle était effacée, alors je pense qu'il y a des effets drapeaux, des choses comme ça, parce que voilà, ah oui. C'était qu'un moment. Mais hein. C'est une sélection d'extraits, la totalité dure 4 minutes 20. Voilà. Oui, et la bande elle dure 15 minutes parce qu'il y a tous les discours. Oui. Pour me décrire exactement ce qui s'est passé, hier soir à 21h, on avait une rencontre de 31 militants du parti autour du problème de la presse du parti. C'est une rencontre très très simple, enfin, et très très agréable avec ce qui regarde son directeur du journal. Ça se passe extrêmement bien jusqu'à 22h30. Et à 22h30, sans qu'il regarde le laisse poser, il y a eu une exclamation très, très offensante pour le parti de l'extérieur. Un coup SNG qui correspondait à, par exemple, quelqu'un des cadres. Ils ont dit PSU enculé. Ce qui marque en tout cas clairement qu'ils savaient à qui ça va être. Et qu'ils savaient qui ils voulaient viser. À ce moment-là, donc, il y a eu un bruit assez léger sur le portail métallique qui pouvait laisser penser que quelqu'un frappait pour entrer. Et puis alors, aussitôt, les vitres ont été crevées par des projections, par des projectiles. On a pensé, on a à peu près tous pensé à ce moment-là qu'il s'agissait de Jean-Michel Elquer, n'est pas bien. Qui nous semblait pas, enfin, quelque chose de complètement inconcevable. Mais dans la seconde qui a suivi, évidemment, les projectiles ont explosé, le feu s'est répandu instantanément, et il y a eu un dégagement de fumée intense. On n'a plus rien vu dans les 10 secondes, et j'ai vu des camarades qui se levaient, qui brûlaient comme des torches, en particulier une camarade de la secrétaire de la section de Corbeil, qui était véritablement transformée en torche. Il y a eu un moment d'affolement, évidemment. Tout le monde s'est plus ou moins replié vers l'arrière du bâtiment, et c'est à ce moment-là que se sont produits les désordres les plus graves. On a eu plus de mal de courir après le feu. Finalement, on a maîtrisé l'incendie assez rapidement et on a une fille qui est sortie par la fenêtre là-bas avec ses mains. Et elle a réussi à sortir par là, c'est évidemment c'est un moment d'affolement. Oui, nous avons un contrat tout à fait intérieur sur des questions de l'organisation du journal. Et à ce moment, on avait déjà commencé pendant déjà un bon moment, c'était genre 10h30. Oui. On a entendu des cris dehors, salope qui est super. Et en même temps, presque simultanément, un bruit de verre cassé, une flamme, une explosion et une flamme, mais tout dans l'espace de quelques secondes. Et alors, les flammes qui envahissaient complètement tout le local. C'était un moment de panique ? Oui, pas tellement. Des gens qui ont dit, je crois que c'est Pillon qui a dit, roulez-vous par terre. Nous nous sommes sortis parce que nous ne voulions pas faire autrement. C'est bien que moi c'était un peu différent, au sens que j'avais le visage qui brûlait et la tête qui brûlait. Et alors, je tenais ma tête dans mes mains comme ça pour protéger mes yeux, je voulais pas ouvrir les yeux, si bien que je flambais et puis je sentais que ça brûlait tout autour de moi. Alors, vous voyez, aussitôt, effectivement, c'est certainement, enfin, c'était dans la mouvance de l'extrême droite, on ne sait pas, enfin, si c'est le Front National, etc. Mais vous voyez, c'était une France où vous voyez, l'extrême droite, c'était pas l'extrême droite qu'on connaît actuellement, c'était l'extrême droite violente, hein, etc. Mais il faut dire que à l'extrême gauche aussi, on avait et cette violence était très discutée par tout le monde, hein, par Foucault, par Sartre, par Benny Lévy, alias Pierre Victor, etc. C'est-à-dire, c'était un débat à la fois dans le milieu politique, intellectuel, syndical. Est-ce que jusqu'où peut aller une action politique, hein? C'était quelque chose. Bon, qui peut-être revenir d'ailleurs.